Léo Brigatti. L'amour est une pièce de théâtre dans laquelle chacun joue son rôle puis disparaît. Mais le cœur, le mien, ne veut pas que Zia soit un avisé passager. Soso appelle Kessou, c'est la moto, elle me bat. Côté, côté, oye tout qui s'en va pour. Côté, côté, ça va sous, sous, banda, banda, banda. Colingone, vaïna, boka, souci, mawakina, pima. Et c'est moi, et c'est Linga.